Pour la Noël, contes et récits de tous les pays rassemblés par la revue britannique, lu par Armen pour audiocité.net. La Sauge, conte de Provence, écrit par Joseph Roumanille. Les bourreaux du roi Hérode, féroces et tout couverts de sang, fouillaient les maisons de Bethléem pour égorger les enfants à la mamelle. La Vierge Marie, plus morte que vive, errait pendant ce temps-là dans les montagnes de Judée, et pressant son enfant nouveau-né sur son cœur tremblant, elle fuyait les égorgeurs. Saint Joseph, dans la plaine, allait de masure en masure, demandant l'hospitalité. Personne ne voulait la lui donner. Et voici que, tout à coup, des hurlements de mort vinrent percer le cœur de la Mère de Dieu. Elle tourna la tête. Et que vit-elle? Elle vit là-bas, là-bas au loin, les soldats d'Hérode qui les poursuivaient. Aïe, aïe, aïe, où se réfugier? Pas de grotte dans la montagne où pouvoir s'abriter. Et elle vit, tout près d'elle, la rose qui s'épanouissait. « Rose, belle rose, lui dit-elle, épanouis-toi bien et cache, avec tes feuilles, le pauvre enfant que l'on veut faire mourir et la pauvre mère à demi-morte. » La rose lui répondit, « Passe vite, passe ton chemin, car les bourreaux en m'effleurant pourraient me ternir. » La giroflée est tout près d'ici. Va dire à la giroflée de t'abriter, et sans doute elle t'abritera. Giroflée, giroflée gentille, lui dit Marie, épanouis-toi bien et cache avec tes feuilles le pauvre enfant que l'on veut faire mourir et sa pauvre mère à demi-morte. La giroflée lui dit, passe vite, passe ton chemin, je n'ai pas le temps de t'écouter, je suis occupée à me fleurir. La sauge est tout près d'ici, la sauge a toujours été le recours des pauvres gens. Sauge, bonne petite sauge, épanouis-toi bien et cache avec tes feuilles le pauvre enfant que l'on veut faire mourir et sa pauvre mère à demi-morte. Et tant et si bien s'épanouit la bonne petite sauge, elle élargit tant ses feuilles et ses fleurs qu'elle abrita et cacha l'enfant Dieu et sa mère. Et quand les bourreaux passèrent, la mère épouvantée frissonna, et l'enfant Dieu lui souriait. Et comme ils étaient venus, les bourreaux s'en allèrent. Et quand ils furent partis, Marie et Jésus sortirent de leur refuge vert et fleuri. Sauge, sauge sainte, grand merci, dit la mère. Et la Vierge caressa de la main la plante compatissante et la bénit. Et puis Saint Joseph rejoignit Marie et Jésus avec l'âne qu'un brave homme lui avait loué. Et Marie s'assit sur l'âne. Et Michel, l'archange de Dieu, descendit des hauteurs du ciel pour leur tenir bonne compagnie et leur indiquer les plus courts chemins. Et doucement, à petite journée, ils se rendirent en Égypte. Et c'est depuis ce temps-là que la sauge a tant de vertus et que l'on dit en Provence « Co de la sauve nun prend, de la Vierge nun s'en souvint. » Celui qui n'a pas recours à la sauge ne se souvient pas de la Vierge.